art et passion. C'est une véritable mission. Elle essaie de faire des proses un peu moroses. Elle rêve déjà de faire l'affiche sans se taper la fiche. Elle rêve déjà d'être une étoile sans voix. C'est une simple cause à effet que de vouloir faire de l'effet. Elle crée à petite dose, mais elle ne met surtout pas sur pause. Elle cherche à innover, toujours inspirée. Elle rêve déjà de faire l'affiche sans se taper la fiche. Elle rêve déjà d'être une étoile sans voix. Elle travaille pour elle-même, changeant de thème. Elle se dit c'est mortel, sans pour autant faire du Tokyo Hotel. Toujours avec sa guitare, elle compose jusqu'à terre. Elle rêve déjà de faire l'affiche sans se taper la fiche. Elle rêve déjà d'être une étoile sans voix.